Bonjour à tous et bienvenue sur le site de. Enfin, sur le site, pas du tout. Sur la chaîne YouTube de QI Basket ou bien sur le podcast si vous nous écoutez uniquement en audio. On reprend aujourd'hui les podcasts pour QI Basket. Alors, petit podcast de chauffe aujourd'hui. Voilà, on tourne en équipe un peu restreinte ce soir. Mais on avait envie de redémarrer, on était très pressé. Donc, du coup, pas question de reprogrammer l'enregistrement. Tant pis, les absents toujours tort, vous le savez. Pour m'accompagner ce soir, il y a Emile. Bonsoir, Emile. Bonsoir, bonsoir à tous. Et Tancred, alias Tanky, le fan d'Enix. Bonsoir Tanky. Tu m'appelles Tanky, encore une fois, je te jure, je débarque chez toi, déconne pas. Si tu Ouais, débarques chez bonsoir à moi, tous. j'appelle Marcus Smart pour qu'il vienne te pousser dans le dos. Ah, tu sauras plus rien faire. Enfin bref, alors. aujourd'hui, on a préparé une petite émission tranquillou. On va revenir sur un petit peu l'intersaison, ce qui s'est passé en quelques gros moves, hein. On va pas faire refaire toutes les équipes parce que c'est pas la peine. On va donner un petit peu nos avis. Ce sera l'occasion de donner aussi un petit ressenti sur ben, en plus des transferts sur ces équipes en particulier. Et puis on reviendra un peu plus précisément sur le cas Butler, hein, qui laisse un peu tout le monde perplexe sur la façon dont c'est géré, qu'on soit fan des Wolves ou bien qu'on soit tout simplement fan de NBA. On a un petit peu du mal à faire le tri. Donc on vous refera un petit récap, hein, on essaiera de dégager un petit peu ce qui peut être vrai, ce qui peut être faux, et de discuter ça avec mes deux acolytes présents ce soir. On va commencer tout de suite un petit peu cette espèce de revue des troupes. Des moves de cet été, avec ben, ce qui a commencé et qui a forcément laissé pas mal de gens sur le carreau au niveau de l'Ohio, c'est le départ de LeBron James pour les Lakers. Il a signé un contrat de 150 millions, je crois, sur 4 ans, si je dis pas de bêtises, la dernière année étant une player option. Alors, ben, la première question, je vais la poser à Tancred en premier, est-ce que c'est quelque chose que tu avais vu, est-ce que pour toi LeBron partait d'office? Et si oui, est-ce qu'il partait à Los Angeles? Non, j'avoue que j'avais voté pour plus rester aux Cavs. Maintenant, c'est vrai qu'après 4 ans, ça a pu lui paraître logique dans sa tête, comme avec Miami, que bon, l'effectif va peut-être s'épuiser, avoir du mal à se renouveler. Peut-être qu'il a vu aussi que Cleveland n'allait pas attirer de gros poissons, parce que moi, je partais plus sur ce principe-là, que c'est pas lui qui allait bouger, mais plutôt des gars qui allaient le rejoindre. Et puis finalement, il y a eu cette voilà, il y avait cette histoire des Lakers, cette rumeur des Lakers qui paraissait persistante, mais ça me paraissait un peu trop fou. Et bon, bah finalement, il y a eu quelques préconfirmations. Et puis finalement, l'annonce a été faite. C'est arrivé, je veux dire, sobrement. Hein. On Oui, a eu la quasiment. Hein. nouvelle. Tout le monde était très excité. Tout le monde trouvait ça assez génial. Même moi, j'ai trouvé ça assez. Je me suis dit, waouh, LeBron, les Lakers, c'est quand même génial. Après, bah, on a vu, il y a eu les justifications qui sont des choix tout à son honneur. Il a peut-être plus envie de penser à sa famille, à ses enfants, etc. On sait bien que ce choix, c'était aussi un choix extra-sportif. Et après, j'ai été plus sceptique, par contre, quand j'ai vu les autres qui sont arrivés derrière. C'est Rajan Rondo, JaVale McGee, Lance Stevenson, qui sont vraiment de très bons joueurs, bien sûr. Mais Bizet aussi. je dis, waouh, ça fait. Pardon? Bizet aussi, je disais, qui est venu aussi. Oui, Beasley aussi. Ouais. Donc des bons joueurs, mais quand tu vois le roster, tu te dis, bon, LeBron, t'es sûr que. Enfin, tu veux quand même toujours jouer le titre ou pas? Alors moi, je suis sûr qu'il va faire une excellente saison, que les Lakers vont faire une très bonne saison. Maintenant, c'est vrai que dans l'Ouest, un roster comme ça, c'est fragile. Il hein. Faudra faire attention. Emile, pour toi, c'est le but de LeBron sur ces 4 ans. On va partir du principe qu'il va rester 4 ans. Sur ces 4 ans, comment est-ce que tu penses qu'il s'est fixé, qu'est-ce qu'il s'est fixé comme objectif ou comme stepstone année par année? Ouais, déjà, ce que j'allais dire, c'est que c'est divisé par palier. C'est-à-dire que là, il y avait vraiment cette année-là, la saison de 2018-2019, elle va être un peu différente des autres, puisqu'il a, entre guillemets, que lui en gros joueur. Il a que des jeunes, des joueurs expérimentés à côté de lui. Donc, l'objectif, je pense, sera pas de jouer le titre, sera évidemment d'aller en playoff, faire le plus de wins possible. C'est quand même une équipe, l'année dernière, avec les jeunes, qui a fait 35 victoires. Donc, c'est quand même pas mal. Avec LeBron, ça pourra que faire plus. Même s'il y a de la concurrence, pour moi, ils iront en playoff. Voilà. Mais l'objectif, ça reste les playoffs. Et dès l'été prochain, l'objectif, ça va être d'attirer un gros joueur. il y en a beaucoup, je vais pas tous citer, mais dans les dans l'été prochain, il y a beaucoup de gens libres qui peuvent venir aux Lakers. Et à partir de ce moment-là, l'objectif sera, je pense, de gagner le titre. Puisque j'imagine mal LeBron ne pas tenter de gagner le titre, quoi, surtout quand il est allé aux Lakers. Donc, tu es plutôt dans une année, on va dire, de semi-transition, c'est-à-dire bah, les jeunes prenaient de l'XP avec les vieux qui viennent pour un an, parce que je pense que tout le monde a signé pour un an quasiment dans les. Ouais, tous les expérimentants ont signé pour un an. C'est ça. C'est ça. Prenez un maximum d'expérience, de temps de jeu, etc. Et on fera venir un gros pour l'année prochaine. Tancred, si t'étais LeBron James ou j'allais dire le GM des Lakers, mais on sait que partout où va LeBron, c'est un peu lui qui dirige. Vers qui est-ce que tu jetterais ton dévolu pour l'année prochaine pour t'assurer une bague assez rapidement? Ça, c'est, j'ai envie de dire, il y a l'embarras du choix, vu la free agency qu'on pourra avoir l'an prochain. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, on sent bien que là, on a peut-être une année un peu entre deux. Mais que, évidemment, j'ai envie de dire, on connaît la stratégie de LeBron. Quand on se doute, c'est pour ça que j'ai été très surpris de l'entourage de LeBron aux Lakers. Je lui dis. Attendez, il ne fait pas un big three avec quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre, là, c'est quoi ce bazar? Et oui, effectivement, il faut s'y attendre que l'an prochain, là, ça va peut-être être quelque chose de différent et beaucoup plus dangereux. Écoute, là, en ce moment, il y a une nouvelle mode qui arrive, qui me fait un peu peur, et ça se voit avec Jimmy Butler aussi. C'est-à-dire, c'est des gros qui débarquent dans une équipe, et puis en fait, un an plus tard, ils se barrent. Et là, je sens bien que Kawhi Leonard, bon, visiblement, il a déjà voulu tenter sa chance pour les Lakers là tout de suite. Mm-hmm. Maintenant, les Lakers n'avaient pas de quoi envoyer une contrepartie honorable. Mais des gars comme Leonard ou même Jimmy Butler, hein, d'ailleurs, ou un autre free agent qui aurait bougé récemment, alors ça ne sera pas Kyrie Irving. J'ai envie de dire heureusement pour Boston d'ailleurs. LeBron et Kyrie, ça a l'air un peu cramé quand même. Hein. Ouais, voilà, c'est un peu cramé. Mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est Kawhi Leonard. Ouais. Mais après, en ce moment. On va en prendre un deuxième. A priori, ils ont de quoi faire, normalement, je crois, deux gros contrats quand même. Ouais. Bah après, il faudrait qu'ils prennent un gros intérieur, quoi. DeMarcus ? Parce que. Ouais, non, pas DeMarcus. Alors, si DeMarcus va aux Warriors et qu'après il se barre aux Lakers après avoir été passé par les Pelicans, franchement, je comprends plus rien à cette ligue, hein, honnêtement. Je sais plus comment ça marche. Non, s'ils arrivaient, ils seraient capables de se démerder pour avoir Anthony Davis. Hein. C'est pas spécialement ta logique. Hein. Il faut voir ce que LeBron va vouloir avoir, quoi. Parce que ah oui, mais c'est pour dire que c'est imprévisible, en fait. L'an prochain, on sait pas ce que ça va donner. Davis, c'est pas 2020 complètement. Si, c'est 2020. Ah, 2020, hein. 2020. Ouais. Autant pour moi, là. Non, pas de souci. Bon, je sais pas. Je dirais que le premier vers qui il va se tourner, c'est Kawhi Leonard. Après, je sais pas ce que Leonard pourrait. Enfin, comment ça s'organiserait avec LeBron, etc. Bon, on n'en est pas là. Mais ça peut venir de n'importe où en ce moment. Hein. Emile, on a même parlé de Kevin Durant. À un moment. Bah, oui, je mange ce que je veux dire. Emile, toi, tu vois quoi, toi? En fait, j'essaie de me baser aussi sur ce qui a été dit, ce qui a été filtré, notamment sur Kawhi et Butler. Ouais. On dit que finalement, ils n'étaient pas forcément chauds pour jouer avec LeBron. Ils seraient plus intéressés par jouer aux Clippers, par exemple, qui auront aussi beaucoup de salaire à donner, de salaire à cap. Donc, si on fait par élimination, je vois mal KD, je vois mal Kawhi, voire même Klay Thompson, j'imagine assez mal à jouer aux Lakers. Ouais. Il y aurait des joueurs comme Cousins, des joueurs comme Kemba. Même si c'est un rang en dessous, ça peut quand même être intéressant avec sous LeBron, parce qu'il n'a pas forcément non plus besoin de joueurs, de top joueurs. Il a juste besoin des joueurs qui sont très très bons et pas forcément les 10 meilleurs de la ligue, quoi. Non, mais là, je pense qu'il va, il est pas parti aux Lakers pour poser le lino, quoi. Tu vois, donc. Ah non, c'est clair. Je pense qu'il va vouloir s'assurer le truc et surtout pas devoir le faire un peu tout seul entre guillemets, quoi. On est sûr. Bah, de toute façon, Magic va aller dans son sens. Hein. C'est clair. Magic, il l'a dit, de toute façon, 2019, il veut faire quelque chose. Quoi. Donc, après, il y a d'autres intérieurs. En intérieur, il y a DeAndre Jordan, il y a Marc Gasol. Ouais. Il y a Millsap, c'est encore en dessous, mais voilà, quoi, ça reste toujours des joueurs intéressants. Qui, sous LeBron, serait encore meilleur. Mais Voilà quoi. Après, le top du top, ce serait que LeBron arrive à convaincre Kawhi ou Butler à venir, quoi. Moi, je pense qu'on est plus. Qu'on est, on est, t'as davantage de chances de choper un Butler Cousins. Ouais. Oui, Cousins, Cousins. ça m'a Pour l'air moi, Cousins, lock c'est pour le qu'il se plus barre. probable. Ouais. En fait, depuis qu'il a signé aux Warriors, où les gens se sont dit, bah ça y est, ok, on a compris, t'as pas de race. Je fais pas un jugement là-dessus, hein, c'est juste la vie globale qu'on retrouve en général un peu partout. Je pense que du coup, derrière, aller là où il y a du pognon et en plus jouer avec LeBron, je crois qu'il va pas se poser la question quatre fois, quoi. C'est clair. C'est les gros marchés, il vient de signer chez Puma, un peu de visibilité aux côtés de LeBron, ça peut pas lui faire du mal. Et ouais, après, que ce soit Kawhi ou que ce soit Butler, alors c'est pas qu'il y en a un que je dis que les deux joueurs se valent, mais je pense qu'au final, les deux iraient très bien. Les deux iraient très bien. Parce que ce serait vraiment le trouver une espèce de soupape défensive qui pourrait un peu faire relâcher LeBron dans ses efforts défensifs et qui est capable d'alimenter le scoring en attaque, quoi. Bah surtout que là, ça fait un beau trio arrière, ailier, et bah tu mets LeBron en ailier fort, Et faut pas oublier ça paraît très là-dedans, logique. autour de tout ça, il te reste encore des Kuzma, des Ingram, des Ball, Ouais. des Josh Hart, etc., etc. Donc tu remets quelques vétérans qui forcément vont se pointer en mode gratteur de bagues au minimum vétéran l'année Bisseli. autour, ça va très bien se passer. Hein. Ouais, Et Bisley. tu rajoutes un ou deux golden losers Tu peux même faire si dans tu peux même l'équipe. faire si tu sais, si ça se passe vraiment bien entre Rondo par exemple et LeBron, tu pourrais l'avoir encore un an à 3,5 l'année. Hein. Je pense qu'il y a moyen derrière. C'était ça, À ouais. voir. Bon, ben justement, on a parlé de Kawhi, ça tombe bien. On va parler de son transfert à Toronto contre de DeMar DeRozan, entre autres. Hein. Il y a d'autres pièces dans le move, donc ne m'engueulez pas. Année très bizarre pour les Spurs, du coup, qui sortent un petit peu d'une espèce de 10 mois de non-dit, d'espèce de secret de coulisses. On n'a pas non plus des masses d'informations hyper transparentes là-dessus. Est-ce que pour toi, les Spurs, Emile, pardon, s'en sortent bien sur ce transfert? Carrément. Je vais pas dire que c'est les gagnants du trade, mais ils sortent quand même pas mal gagnants de l'histoire parce que faut pas oublier que l'année dernière, je sais plus exactement combien ils font de wins, je peux dire une bêtise, 47 je crois, c'est ça, 47. Ils font 47 wins sans leur meilleur joueur, qui est un des meilleurs joueurs de la ligue. Et là, contre lui, contre Kawhi, ils ont réussi à choper donc DeMar DeRozan, qui est quand même un excellent joueur, quand même dans le top de la NBA, c'est du moins en Kawhi. Danny Green, Ouais. non, Danny Green, pardon, il est allé au Raptors, Il va au c'est Raptors, ouais. C'est Paul Toll. Paul Toll qui va dans l'autre sens. Voilà, Paul Toll qui vient renforcer le secteur intérieur, qui n'est pas forcément un point fort du tout aux Spurs, donc c'est plutôt pas mal. À développer en plus le mec. Voilà, c'est ça, il est jeune, il a fait des bonnes choses, dans la seconde unit, voilà quoi, c'est à développer, c'est pas mauvais. Le tout sous Pop, Pop qui potentiellement part sur une dernière année ou pour démarrer un nouveau cycle. Moi, je pense qu'ils sortent carrément gagnants, puisqu'ils sortent avec un joueur qui est tout de suite compétitif, DeRozan, qui a envie de prouver qu'il peut le faire, quoi, à San Antonio, qu'il peut réussir à aller en playoff, à mener une équipe en playoff. Pour moi, c'est assez gagnant, alors qu'à contrario, Toronto, finalement, on peut croire qu'ils ont gagné le tête, ce qui est assez logique, parce qu'ils ont le meilleur joueur. Mais il y a quand même beaucoup plus d'incertitudes au niveau de Toronto pour moi. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un joueur qui a été blessé, qui a un caractère de merde, qui a un entourage compliqué, qui n'avait pas envie du tout d'aller à Toronto. Alors on ne sait pas ce que ça va donner. Après, le dossier médical a été transmis, donc ils ont quand même pas Non, mais lâché ça DeRozan c'est. pour un mec qui allait Ah venir bah en équipe, évidemment, quoi. j'ai pas dit qu'il allait se péter n'importe comment. Mais il a été blessé, il devrait revenir à son niveau, mais surtout mentalement et entourage et tout, on sait pas ce que ça va faire. Et surtout, c'est peut-être un coup pour un an. Et là, Toronto serait pas très bien du tout, quoi. Alors qu'au contraire, San Antonio, bah, ils s'en sortent plutôt bien à ce niveau-là, quoi. DeRozan a encore 2 ans, je pense, hein. Ouais, c'est ça. Je vérifie. Oui, son contrat termine en 2021 avec une option joueur. Après, là où on peut se poser la question par rapport au Spurs, c'est que bah, Kawhi en attaque, ça sait tout faire. DeRozan, la panoplie est un petit peu moins large. Quand on est derrière l'arc, par exemple, à 3 points, c'est que DeRozan, c'est pas son truc. Ouais, bien On sûr. sait qu'en termes de pression, parfois, sur les playoffs, il a un peu tendance à disparaître aussi. On l'a vu notamment dans les séries contre les Cavs l'année passée et les années d'avant. Donc, S'intégrer dans le système Spurs, ça veut dire savoir un peu tout faire aussi. Et Sûr. je me demande quand même si ce côté un peu all-around qu'avait Kawhi Leonard, ça va quand même pas fort manquer aux Spurs. Après, en termes d'ajustement, je pense que Popovic a plus rien à montrer, hein, mais Ah, ça c'est sûr. Mais c'est ce qu'il saura faire. ça reste une inconnue, bien sûr, mais je sais pas, moi je vois bien Pop réussir à intégrer DeMar DeRozan qui a vraiment l'air d'avoir envie d'être dans ce projet Spurs. Alors évidemment, il n'a pas la qualité forcément de Kawhi, la polyvalence, mais ça reste quand même un très bon joueur. Et c'est ça que je me dis, c'est que l'année dernière, ils n'avaient aucun joueur à ce niveau-là, les Spurs, et ils ont réussi à être très bons, quoi. Donc là, avec ce joueur en plus, pour moi déjà c'est lock en playoff. Et ça peut être que positif. Ok. Tancred, quel regard tu portes sur toute l'affaire Kawhi Leonard et surtout l'issue du coup qu'elle a connue avec ce trade? Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis retombé sur une interview de Stephen Jackson sur ESPN, je crois, et qui parlait justement de la manière dont cette situation a été faite. Et lui, il avait vraiment pointé du doigt le comportement des coéquipiers de Kawhi, qui ne l'avaient pas du tout protégé suffisamment dans cette série d'incertitudes. Et il en avait notamment dit à quel point il avait perdu le respect envers Tony Parker, qui lui-même avait fini par lâcher un peu en mode « Bon, écoutez, c'est le bordel, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas ce que c'est. » Bon, moi, je pars du principe que là, San Antonio a fait 47 wins l'an passé. C'est la première fois depuis… Oh là là, honnêtement, C'est pas je crois que 15 j'étais ans? encore la Super. Non, mais même plus. Je crois que je jouais encore la Super Nintendo la dernière fois qu'ils n'avaient pas fait une saison à plus de 50 wins, quoi. C'est vous dire Ah oui, le c'est il y en a truc. pour 20, à peu près 20 ans, je crois. Bah, ça date du back-end, en fait, hein. Non, mais c'est ça. C'est complètement fou. Et là, bon, malheureusement, les choses ont une fin. Tim a pris sa retraite. Tony est parti aux Hornets, ce qui fait très bizarre visuellement parlant. Gino, il est parti, Ginobili j'ai a pris oublié. sa retraite bien méritée. Et là, maintenant, on sent bien que Popovic, bon, est plus sur la fin qu'autre chose. Et maintenant, il y a Kawhi qui est parti. Sur le trade, alors, je le trouve bien quand même. Je dis, tout le monde s'en sort plutôt bien dans ce gros bazar. D'ailleurs, si vous voulez savoir, les Spurs jouent en ce moment face aux Rockets et DeRozan mène la marque avec 17 points. Quoi? Ça Il reste a des l'air en matchs de forme, le pré-saison. gars. C'est de la pré-saison, mais plutôt pas mal. Oui, c'est mieux que perdre. J'ai envie de dire que les Spurs sont plus gagnants que Toronto, effectivement, comme Emile, parce que les Spurs gagnent un gars qui est en forme, qui est volontaire, qui est capable de s'intégrer dans un nouveau roster, bon, qui a sévèrement mal pris le fait qu'il se fasse trader parce qu'on lui avait dit qu'il n'allait pas être tradé. Donc voilà, Qu'est-ce bon, je pense que lui, il va avaler la pilule et essayer de se C'est tenir comme le une meilleur. revanche, quoi. Voilà, il peut voir ça comme une revanche. Kawhi, il arrive en traînant ses pieds et sa valise, où il dit clairement qu'il a. Enfin, je pense qu'on a tous compris qu'il avait absolument pas envie d'aller à Toronto. Maintenant, il va à l'Est. Toronto, ils ont besoin de se renouveler parce que là, vraiment, ça pouvait plus durer comme ça. Avec le même effectif qui fait les mêmes erreurs en permanence, peut-être que l'arrivée de Kawhi, ça va apporter une autre dimension à Toronto qui va essayer de changer un peu. Maintenant, pour terminer sur ce truc-là, Kawhi, le truc c'est qu'à mon avis, il est là. Je pense que dès qu'il a la première porte de sortie disponible, il va la prendre. Moi, je ne le vois pas faire. Je pense Tu le vois pas du qu'on tout est rester à beaucoup à se Toronto. dire. Ah non, je ne le vois pas rester à Toronto. C'est limite si je me demandais si on allait finir par le voir se faire prendre en photo avec le maillot, quoi, au bout d'un moment. À C'est. la place de ça, C'est. t'as eu carrément un rire. Comme quoi, Ah oui. il était Voilà. généreux. Non. Hein. C'est ça. Il est plus dans cet environnement Spurs. Et maintenant, il est lâché dans la nature. Et je pense que vraiment, il a plus Popovic au-dessus de lui. Il a plus Duncan et compagnie pour l'encadrer. Maintenant, tout ça, c'est malheureusement derrière nous. Et ça fait un peu mal au cœur. Mais c'est la vie. Et là maintenant, Toronto, c'est pas son ambition, quoi. Okay. Après, je pense que Kawhi aussi doit faire une année de très solide pour rassurer les autres équipes, notamment sur le plan médical. Il va falloir quand même qu'il sorte l'artillerie lourde, donc ça pourrait être finalement très bénéfique à Toronto, ou avec une conférence Est qui est quand même fort ouverte maintenant que LeBron est parti. Tout le monde parle de Boston, Boston, Boston, comme si c'était acquis. Mais Boston, Oh non, c'est très très ouvert. Boston aura d'autres problèmes à gérer, des problèmes de riches, mais ils auront quand même des problèmes à gérer. Et surtout, Boston, c'est un peu leur dernière saison avec l'effectif qu'ils ont, puisque avec s'ils doivent re-signer Kyrie l'année Kering. prochaine, ça fait 3 joueurs à 30 patates chez eux. Il va falloir. Et y a des mecs, je crois que c'est Terry Rozier, Jalen Brown aussi, qui doivent être Ouais, c'est reconduits. ça, Donc, oui. c'est un peu un do or die aussi pour eux. Donc, ça peut être potentiellement assez épique à l'Est. Et alors, il faudra voir effectivement ce fameux entourage de Kawhi qui a l'air de décider un peu tout pour lui. Voir un petit peu ce qu'ils vont lui conseiller de faire aussi. Parce que si ça se trouve, au Canada, ça va très bien se passer. Il va être un peu considéré comme le patron. Et s'il y a le pognon derrière, pourquoi pas, hein. À voir. Mais Ouais, c'est effectivement, clair. je vois pas non plus. Je vois pas Kawhi Leonard non plus s'éterniser. Par contre, quand tu me dis. Un petit peu attendre la porte de sortie en se tournant les pouces, je suis moins sûr là parce que Oui, non, il va quand même jouer, il a quand même des choses à prouver. il a des choses à prouver après une saison blanche avec une image merdique qui en ressort aussi, et puis derrière il faudra quand même qu'il puisse attirer les grosses écuries parce qu'il va y avoir énormément de monde avec du pognon, énormément de monde dispo sur le marché des transferts, y compris les gros joueurs. T'as quand même du DeMarcus, t'as quand même du Durant, t'as du Butler. Ça reste aussi des mecs, des gros clients que t'as envie d'avoir chez toi, quoi. Donc, vu la réputation qui vient de se créer, on va dire, en une année, il va falloir quand même sérieusement redorer le blason et ça passe par des résultats sur le terrain. Je pense. Ok, on va passer maintenant un petit peu d'une manière un peu plus large aux Rockets parce qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Alors, c'est pas qu'ils ont attirer on va dire une grosse star dans son prime comme les autres équipes dont on a parlé avant, puisque là on a plutôt perdu pas mal de monde, hein. On a perdu notamment Ariza qui fait assez mal. On a prolongé à Moutet. Moutet, on a prolongé à prix d'or Chris Paul, qui est quand même plus sur la fin qu'autre chose. On a fait venir Carmelo Anthony à un prix tout à fait raisonnable, certes, mais dont on connaît les limites maintenant, à pas mal de points de vue. Alors, on a l'habitude de dire à Carmelo Anthony, ça y est, cette année, vous allez voir, le Carmelo Dream Team, il est là, Team USA, tout ça, tout ça. Est-ce que, pour toi, Tancred, le bilan des Rockets, est-ce qu'il est plutôt positif sur l'intersaison, plutôt mitigé ou plutôt négatif? On a perdu Tancred. Il va revenir. Non, non, Émile? non, non, Ah, pardon, non, excuse-moi. non, j'étais pas perdu, Il c'est du réfléchissait. coup. Il a fait un Non, non, mini c'est de ton AVC. côté que ça coupe. Mais Ah, non, mais ok. c'est de ton côté que ça coupe. Alors, j'ai pas entendu la fin de la question, désolé. D'accord. Alors, moi, je suis. J'ai l'impression qu'il y a un genre de devoir national de défoncer Carmelo Anthony. Moi, j'aime beaucoup Carmelo Anthony. J'ai eu la chance de le voir jouer en vrai plusieurs fois, donc vraiment de Je mesurer à quel rappelle que point le c'est un mec est joueur fan élite. exceptionnel. Hélas, j'en ai bien peur. Vas-y, vas-y, continue. Non, non, mais c'est Melo, pour le coup, contrairement à Kawhi, à l'opposé, eh bien, Melo, il est là où il a envie d'être. Voilà. Et je pense qu'on avait bien en tête que son objectif, c'était finalement d'atterrir à cet endroit-là. Il va retrouver Mike D'Antoni, bon, avec un grand sourire aux lèvres, je suppose. Bon. Voilà, hein. Non, le fait est que les Rockets, ça a très très bien marché l'an passé. C'est juste un sale karma qui a fait qu'ils ne sont pas allés en finale l'an passé. Là, ils Ouh, sont prise de chauds, ils sont position. très. Oui, bien sûr. Prenez ça, les fans Non, des mais. Golden State Warriors. C'est pour vous, ça. Attaque Mais directe de attendez. Oh là Tancred, là. sans prévenir. Pac! Non, mais c'est. J'ai pas dit que Golden State avait pas volé son Si, titre. c'est ce que tu as Hein. dit. C'est exactement ce que tu viens de dire. Non, Ils n'auraient pas dû aller en finale. absolument pas. Si, si, c'est ce que tu viens de dire. Golden State mérite totalement sa victoire et son titre, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que les Rockets, c'était très très près et on sent que le collectif fonctionne bien, que l'identité de jeu fonctionne bien, que les forces du collectif, on les voit, on Mais les justement, connaît. ça a pas mal Justement, c'est le changé. problème, C'est ça, pour ouais, ça c'est que je pose ça. la question. Je parle pas de Melo, est-ce qu'il a raison d'aller aux Rockets? Melo, il va où il veut, ça c'est pas le problème. Mais Dis tant qu'il sait. par rapport à ce que les Rockets avaient et par rapport à ce qu'ils ont maintenant, est-ce que pour toi c'est un jeu dangereux qui se joue à Houston et est-ce qu'ils vont en sortir gagnant de ça? Honnêtement, je pense qu'ils vont sortir gagnants parce qu'ils sont là. C'est une équipe qui est entre guillemets dans le vrai, qui a sa stratégie, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle a envie de faire, qui n'a pas envie de. J'ai envie de dire, le cœur de l'équipe reste le même, tu vois. Ça reste autour de Paul Harden avec la philosophie de jeu de Mike D'Antoni. On retrouve quand même des bons cadres et puis quelques joueurs d'expérience. Je vais parler d'Eric Gordon, Gerald Green. Brandon Knight un petit peu quand même aussi évidemment, Néné, et puis bien sûr Carmelo qui a vraiment des choses à prouver. Alors je sais pas, j'ai pas eu la réponse à cette question. Est-ce que Melo va faire le sixième homme du coup? A A priori, c'est bien priori oui. parti. C'est A bien priori parti oui. pour. Du coup je pense que ça c'est la bonne solution. Ça c'est le mettre dans la rotation, ne pas mettre tous les gros dans la rotation hein, parce qu'il n'y a qu'un ballon à gérer. T'imagines James Harden et Melo Anthony partager la gonfle en permanence, ça va pas le faire. D'accord. Donc, je pense que ça, Mike D'Antoni, qui d'ordinaire est assez borné sur ses idées, là, il a peut-être capté qu'en faisant Melo en sortie de banc, ça va être peut-être quelque chose de très utile. D'accord, et maintenant on est à 4 minutes de la fin du match. Qui tu fais jouer sur le terrain? Score serré. Ah oui, je croyais que tu parlais du match, genre là, maintenant, là. Non, là pas spécialement. Ok. Mais voilà, tu te retrouves dans un match à enjeu, très important, on est dans les playoffs, etc. Si tu préfères une contextualisation un peu plus large. Il reste 4 minutes, c'est un match assez serré. Qui est-ce que tu mets sur le terrain? De la même manière que certaines équipes étaient capables de jouer avec plusieurs clutch players de temps en temps, on sait que Chris Paul est clutch, on sait que James Harden est clutch, on sait que Carmelo est très clutch. Je vais te citer, par exemple, je vais te citer les Knicks de 2012-2013 avec Carmelo. Et ben, c'était pas toujours Carmelo qui avait le dernier shoot. Des fois, c'était J.R. Smith, des fois, c'était Shumpert. Des fois c'était Felton et des fois c'était même Felton, hein, c'est vous Ce qui dire. prouve que c'était mal Et des fois, coaché. D'accord de ça. on est complètement d'accord. Mais là aujourd'hui, je pense que c'est l'équipe de James Harden, c'est bien compris. Mais si D'Antoni est assez malin pour analyser une situation spécifique et se dit ça c'est pour Carmelo Anthony et pas James ou Chris, il n'hésitera pas à le faire. Et Melo D'accord. répondra présent. Ah, d'accord. Tu lui as parlé, c'est Voilà. sûr, il a dit c'est je serai là. Ok. Voilà. Exactement. Donc pour toi, on est d'accord que tu pars sur un 5 en fin de match avec Harden, Paul, Melo, Capella et un cinquième pour faire le nombre. Alors, si tu as besoin d'avoir vraiment le maximum de ta force dans les dernières minutes, c'est indéniablement ça qu'il faut avoir. Et Après, ça, je on parle de serais forte pas offensive là, surpris. d'accord? Bien sûr, mais C'était en je serais pas défense. surpris si on a un des trois qui se met derrière. D'accord. Il se met sur le banc, pardon. Après, pour la défense, Quoi, en on est fin de dans l'équipe match? à Mike En D'Antoni, fin de hein. match, je t'en mets un des trois sur le banc. Non, mais je veux dire, dans certaines configurations, tu D'accord. peux effectivement jouer qu'avec deux, pas forcément uniquement sur les trois. Après, sur le plan défensif, c'est une équipe de Mike D'Antoni, donc je ne m'attends pas à quelque chose de particulièrement défensif dans les fins Et de l'année passée, match. c'était pas trop Oui, mal, hein? il y avait eu des progressions, ce qui m'avait un peu rassuré. Après, je maintiens que les trois resteront sur la fin. Parce que de toute manière, Mike D'Antoni, on sait très bien qu'au fil du temps, ses rotations se limitent, sont de plus en plus limitées. Il y aura forcément, les gros noms seront forcément sur le parquet quand les moments seront plus décisifs. Okay. Emile, ton regard par rapport aux Rockets pour l'année qui arrive là. Est-ce que c'est pas un peu, est-ce que c'est pas un peu, on va dire stupide entre guillemets de faire venir, d'avoir bazardé ton Ariza, ton Mbamute pour faire venir du Melo, alors que d'autre côté, les Warriors étaient quand même de toute façon renforcés avec Cousins pour un an. Est-ce qu'il n'aurait Pour moi, pas c'est fallu jouer la ouais. montre, on va dire un an? Moi, c'est deux choses différentes d'avoir bazardé Ariza entre guillemets et Mbamute et d'avoir pris Melo. Melo, je pense qu'il l'aurait pris à peu près quoi qu'il arrive, quoi. C'était un peu vu comme ça, le buyout, c'était senti comme ça, même depuis l'été dernier, ce n'était pas fait, mais on pouvait le sentir. Par contre, ce qu'on peut remettre en lien avec la perte d'Ariza et d'Mbamute, c'est la prolongation monstre de Chris Paul, qui à 40, à 37 ans touchera 45 millions. Alors qu'on ne sait même pas s'il pourra encore jouer. Hein. On ne sait pas s'il sera certainement pas comme LeBron. Du coup, ça a entraîné un retard sur le paiement, enfin, sur la prolongation de Clint Capella. Au final, ça s'est fait sans trop de problèmes, donc il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Mais du coup, le vrai problème, c'est que ils ont perdu Ariza et Mbamute, qui sont avec Tucker principalement, qui étaient quand même trois piliers défensifs très importants. Qui font que si on compare entre il y a 2 ans, l'année dernière, ils sont passés de la 18e à la 6e défense. Mmh. Et si cette année, il y a un retour plus probable au niveau des 18e défense, ouais, il va falloir attaquer encore plus. Donc c'est pour ça que leur coton de Melo, bon, il n'est pas si utile que ça de toute façon, mais la question c'est est-ce que Melo apportera assez offensivement. Et oui, on l'a vu l'année passée en attaque au Thunder, c'était loin d'être voilà toujours la fête. Hein. Donc, pour moi, ça dépend évidemment, comme disait Tancred, des configurations de fin de match, ça dépend de l'équipe que tu vas jouer, de la situation, mais moi dans le 5 final, je mettrais plutôt Paul, Harden, Eric Gordon, ouais, Tucker et Capella. Pour avoir quand même la gâchette, parce que Gordon a fait beaucoup de fin de match l'année dernière, il a mis des 3 points très clutch contre Philly, j'ai en tête, mais il y en a d'autres. Bon, Paul Harden, c'est intouchable, Capella aussi. Et quand même, Tucker, je privilégie Tucker à Melo, parce que Tucker, c'est quand même Keith Rindy, il peut quand même sanctionner si jamais on kick out, si jamais Harden, par exemple, kick out. Et en même temps, il va être la défense, quoi. Il va représenter un peu le pilier défensif, quoi. Je trouve ça plus intéressant que d'avoir Melo, à mon sens. Voilà. Effectivement, je suis assez d'accord. Ça... Moi, c'est... j'ai du mal à comprendre la prolongation de Chris Paul. C'est clair. C'est... À ce tarif, avec cet âge-là, avec, c'est ça. Avec ce qu'il produit encore, j'ai vraiment du mal. Surtout qu'il ne faut pas voir que cette saison, à la limite, elle compte un peu pour rien, parce que bon, on va pas se mentir, hein, si les Warriors sont pas champions cette année, c'est qu'il y a vraiment un souci. Ouais, mais le problème c'est qu'elle compte pour rien, mais l'année prochaine ils n'ont pas du tout de salle, ils n'ont pas du tout de cap. Alors, c'est là que je voulais en venir. Ils sont dans un engrenage, quoi. Chris Paul aura un an de plus, on sait qu'il est quand même assez prone injury en termes de blessures, il a quand même bien morflé les dernières saisons. Donc un an de plus dans les pattes, pour une saison qui compte un peu pour rien, tu vas le payer encore plus. C'est quand même un petit peu tendu, quoi. Et en plus, l'année prochaine, Melo, bah, soit tu re-signes au minimum vétéran, soit tu n'es plus là, quoi. Ouais, c'est clair. Pourquoi pas aller aux Lakers, tiens, pour Melo, par exemple. Bah, c'est une possibilité. C'est une possibilité, pour le même prix, je pense qu'il préfère aller avec LeBron. Moi, je serais honnête, je suis assez de ton avis. Je serais pas étonné, justement, qu'il y ait une espèce de grosse team, du coup, qui se forme à LA, et que LeBron, que Melo aille signer... Allez, en minimum vétéran, même s'il faut, mais, là-bas. Hein. Ouais. De toute façon, Melo, il est pas bête, il ira au plus offrant. Et étant donné que les autres équipes, je vois mal les équipes proposer 10 millions par an, le plus offrant par rapport à la bague ou quoi qu'il lui faudrait, parce qu'il veut quand même chercher la bague, ouais, le mieux sera avec LeBron, quoi. Voilà. On dit souvent que le timing, c'est important, tu vois, en NBA, surtout pour les signatures. Je trouve que les Rockets sont vraiment manqués du jeu. Ah là, c'était catastrophique, hein. Ouais. T'allais dire quoi, quelque chose, hein, si... Oui, vous imaginez si Melo arrive à... Parce que là, on voit bien que Melo est capable d'aller à gauche, à droite pour avoir sa bague au bout d'un moment. Et vous imaginez le jour, si un jour Melo avec les Lakers ou même les Rockets gagne un titre, est-ce que vous pensez que ça va faire fermer quelques bouches? Non, pas du tout. C'est trop tard. Parce qu'à mon avis, il n'y aura pas un gros rôle dans le titre. Hein. C'est plus un mec qui porte l'équipe. Hein. C'est exactement ça. Ah bah ça, on est bien d'accord. C'est, à titre de, enfin, je vois pas à qui tu pourrais comparer ça, hein, spécialement, tu vois, là, maintenant, mais... Un Iguodala, dans le moi, délire, dans... Ah, et Melo, Melo pesait plus qu'Iguodala. Il me fait penser à Charles Barkley. Ah oui, d'accord, carrément. Il me fait carrément penser à Charles Barkley qui avait migré à Houston pour tenter un Big Three avec Olajuwon et Pippen, et qui s'est viandé complètement en fin de carrière. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu de ça. Oui, il y a de ça. Ok, on va pouvoir attaquer le gros morceau, le steak de loup avec Jimmy Butler. Bon, qu'est-ce qui se passe, Jimmy? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'était il y a 3 semaines, je crois, déjà maintenant. 2 semaines, 3 semaines. Ah, 3 semaines, je crois. Hein, ça. Il me semble, hein, ouais. Petite bombe de nuit, hein, tranquillou. Jimmy Butler veut son trade. Apparemment... conflit interne avec une signature juste derrière, dès que le proprio a pressé fortement pour que Butler soit transféré, la prolongation de Towns qui tombe juste derrière, donc a priori qui ne trompe personne sur la volonté de la direction de continuer avec Towns, et qui apparemment avait un problème, j'imagine, avec Butler. C'est juste Butler qui a un problème avec Towns, je pense. Ouais, il avait une hygiène de travail. Non, mais je... voilà, c'est tout. Il y a un bordel entre les deux. Ah, ça paraît assez clair. Oui, Quick Games aussi, ouais. C'est clair. De l'autre côté, vous avez Thibodeau qui défend son ex-protégé, on va dire, de Chicago, puisque il ne veut pas le trader. Le proprio dit « Si, si, on va le trader, tu te tais. » Et il y a toute une série d'équipes qui viennent déposer une espèce de corbeille de fruits pour savoir qui va avoir le truc. Les derniers événements, c'était Miami qui semblait tenir la corde. Et en dernière minute, alors que les dossiers médicaux avaient été envoyés à gauche et à droite, que les grosses pontes s'étaient entendues, il y a apparemment Minnesota qui a voulu gratter un petit truc en plus, et Miami a fait « Ah, eh ben non alors. » Bon alors, ouais. Quel regard, encore une fois, vous portez sur toute cette situation? Qui sont les coupables selon vous? Qu'est-ce que peut espérer Minnesota par rapport à Butler en termes de récupération? On va commencer avec Emile. Ce que je pense, c'est que c'est un gros bordel. Parce qu'il doit y avoir, on va dire qu'il y a quatre parties dans cette affaire. On a le propriétaire des Wolves qui a tout intérêt à trader Butler, et on le comprend. Mm-hmm. De Butler qui lui veut partir. Et voilà, bon, ça se défend aussi. On a Thibodeau qui veut pas du tout laisser partir. Et qui, en plus d'être coach et président des opérations basket, ce qui freine considérablement la chose. Ouais. Et en quatrième, il y a les équipes NBA qui essayent de le choper à moindre coût, quoi, en envoyant le moins de marchandises possible. Ouais. Et le problème, c'est que quand on mélange tout ça, ça obtient qu'à Minnesota, c'est un bordel, qui fait que du coup, la cote de Butler aurait tendance à descendre un petit peu. Ouais. Du coup, en face, les équipes proposent moins, sauf que Thibodeau ne veut pas le lâcher. Et du coup, ça marche pas, ça s'entend pas. C'est ça, c'est ce que j'ai pu lire dans l'article de Vosges aujourd'hui. C'est que Minnesota, alors que c'était tout bon avec Miami, a voulu encore gratter quelque chose. Alors que dans le trade, il y avait Richardson, qui est entre guillemets la meilleure. On sait pas s'il y avait d'autres dans le pic, mais dans le trade, mais c'est la meilleure contrepartie qu'il pourrait obtenir en ailier, quoi. On dirait pas les mecs dans le mode MyGM de Touquet qui font en dernière minute, qui essaient de gratter un tour de 2022 alors qu'ils sont fous. C'est ça, exactement ça. C'est toujours trop, alors qu'ils sont pas en position. En fait, ils sont pas en position de négocier tant que ça, et ils essayent quand même. Donc, je pense que moi, s'ils n'arrivent pas à s'entendre comme ça, il y a quelque chose qui va péter. Et si quelque chose pète, c'est probablement Thibodeau. Mais c'est ce que j'avais demandé à Tancred. Toi, pour sortir du sable, qu'est-ce que tu ferais, Tancred? Alors là, c'est un need gap, c'est une horreur. On a l'impression que tout est bloqué. On a l'impression que tout, comme tu viens de le dire, Emile, tout le monde est dans son coin, tout le monde a sa stratégie. On avait une équipe qui avait l'air d'avoir trouvé un bon petit parcours, là, ça y est, qui commençait à se dire, tiens, ça y est, on va avoir une... ils avaient grave la hype il y a un an ou 2 ans quand ils ont ramené Thibodeau. Il y a un an, tout à fait. Et là, comme tu l'as dit, y a Thibodeau qui va dans son coin, il y a Butler qui veut ça. Il y a Andrew Wiggins qui a commencé à lancer des saloperies sur Butler. Il y a Towns qui reste là, qui est le favori du front office, ce qui en soi est tout à fait logique. Comme je l'ai dit plus tôt en début de podcast, on est dans une période où un joueur il va venir un an et puis finalement il va se barrer. Sauf que là, il demande ça de manière tellement tardive, ça met tout le monde dans la merde. À un moment, il y avait du côté des Knicks et du côté de la Knicks Nation France, tout le monde était foufou, tout le monde voulait ça. Ah oui, on va prendre Butler. Mais arrêtez, on va quand même pas sacrifier on va faire un trade monté en bourrique pour aller choper un mec qui est capable de faire ce genre de crise pour pouvoir se casser 5 minutes après. C'est ça. C'est pas la peine. Sachant qu'en plus, il est dans la liste, vous pourriez le recruter éventuellement à l'agent libre en 2019, autant rien perdre, oui, comme contrepartie. Voilà. Mais du coup, ça c'est juste pour donner un exemple du côté d'Enix, pour revenir à Minnesota, effectivement le trade pour Miami qui avait l'air finalement d'être l'équipe la la mieux placée. Brooklyn a lâché des trucs à Minnesota. Finalement ça s'est foiré. Là j'ai appris dans la journée que il y avait encore les Clippers, Brooklyn et même Houston qui étaient encore capables Houston, d'être assez fous pour porter quelque chose. Houston, je sais pas d'où ça vient, mais qu'est-ce qu'ils envoient? Eric Gordon, PJ Tucker, mais alors là, ça serait une catastrophe, quoi, parce que. Ah bah ouais, ça serait bizarre. Non, mec, c'est parfait, c'est justement. Donc ils ont 5 joueurs et derrière, donc Marquise Chris, quoi, ça serait une catastrophe. Non, mais c'est justement ça qui est fou. C'est-à-dire, il y a des équipes qui sont assez folles pour se dire, on va monter un trade en dernière minute. Qui est... Et en fait, Jimmy Butler, en faisant ce choix-là aussi, c'est vraiment le pire moment. Parce que là, il s'entraîne avec aucune équipe, il s'entraîne à Minnesota. Il y a des coéquipiers qui ne peuvent pas le saquer et il ne peut pas saquer ses coéquipiers. Il y a son coach qui le défend, mais ça met un peu plus de bazar. Et surtout, les autres équipes de NBA qui seraient tout à fait ouvertes à l'idée d'avoir Butler, mais pas maintenant. Parce que là, ça y est, les rosters, ils sont faits. Là, c'est la préparation. C'est le pire moment en NBA pour recruter un mec. C'est-à-dire, là, tu as fait tes training camps, tu es en train de faire tes matchs de pré-saison, la saison va commencer. Si tu veux qu'ils viennent, tu montes un truc vers février ou alors tu gères ça pendant l'été. Mais en début de saison, là, c'est le pire moment. Là, tu as des joueurs à qui tu as dit bah, tu vas venir jouer avec nous. Et puis finalement, ah bah oui, mais on veut choper Butler. Mais le truc, c'est que des équipes ne veulent pas prendre le risque. Par exemple, les Clippers ne se manifestent plus trop par rapport à Butler. Ils veulent pas lâcher Tobias Harris en 2019. C'est ça, ils veulent pas lâcher Tobias Harris. Ils se disent on n'est pas capable de monter un trade là tout de suite et de tout faire péter, quoi. Si, je mais pense ils sont capables, mais ils sont pas cons, quoi. Ils peuvent l'avoir l'année prochaine, pourquoi faire un trade? C'est ça quoi. Non, mais t'as bien résumé, ils sont pas cons. Est-ce que la solution pour déverrouiller le truc, c'est pas juste de virer Thibodeau? Bah, c'est plus compliqué que ça, quand même, à mon avis, mais le truc que Tancred disait, c'était vraiment un mauvais timing. Sauf qu'il y a 3 semaines, c'était encore un timing correct. Acceptable. Voilà, c'est ça. C'était juste, mais ça passait. Mais Thibodeau, à force de vouloir. Voilà, justement, garder, si c'est lui qui bloque. Partait en je t'aime moi non plus, et c'est il bloque, et là, ça devient catastrophique pour tout le monde, parce que du coup, les équipes veulent moins l'avoir dans leur. Enfin, les autres franchises veulent moins l'avoir, et en même temps, la contrepartie sera plus faible. Ce que ne fait pas Minnesota. Enfin, c'est le serpent qui se mange la queue, quoi. Mais justement, du coup, si c'est Thibodeau qui bloque et qui, du coup, coince la situation... Ouais, pour moi, c'est ce que je t'ai dit, faut... C'est pas ça, la solution ? Bah, au moins, lui enlever sa casquette de président des opérations. Ça, basket, tu l'auras pas. Ça, tu l'auras pas. Tu vas pas lui dire, écoute, on va te rétrograder, tu restes ici. Ça c'est non. Mais c'est le même problème. On revient au problème du timing, c'est que si tu le vires en même temps coach, pendant le training camp, c'est catastrophique aussi, quoi. Que tu mets qui ? Ah bah de toute façon, si la saison avance, virer un coach en plein milieu de saison, ça peut être catastrophique aussi. Là, ici, à la limite, un mauvais départ, ça peut encore aller, tu vois. Si tu prends un gars qui est un peu NBA ready au niveau en termes de coaching, faut le trouver, parce que est-ce qu'il y a un mec qui aura envie d'être dans ce bourbier aussi ? C'est pas sûr. Mais c'est-à-dire que si Thibodeau s'en va et que Butler s'en va, t'as plus tellement de bourbier. Ah non, si les deux sont... Oui, c'est Butler sans... Ça, c'est OK. Si tu vires Thibodeau, c'est pour pouvoir accélérer le trade de Jimmy Butler et changer. Exactement. Donc après, tu peux prendre un mec... il faut trouver un mec après qui est NBA ready. Mais ça, c'est... Si après, les deux sont partis, qu'il y a un effectif qui est entre guillemets sain, avec Wiggins, Townstig, Gibson, et puis... Et des contreparties du trade. Voilà, c'est ça. T'as une hype... un public qui est quand même chaud parce qu'il y a eu les playoffs l'année dernière, là ça redevient intéressant. Mais il faut se débarrasser de cette situation, quoi. C'est clair. Et rappelez-vous, l'année dernière, plus t'attends, Bledsoe, ouais. Plus t'attends, c'est catastrophique, parce que si tu vires Thibodeau en cours de saison, c'est encore pire, parce que tu vas mal commencer ta saison, ça c'est sûr. C'est ça. En plus de ça, derrière, bah, tu vas reniquer ta saison, plus t'attends, et alors en plus, ta contrepartie derrière, plus t'attends, plus elle est catastrophique. Plus t'as rien. Voilà, et l'année dernière, rappelez-vous, Bledsoe, c'était plus tard quand même, mais ça avait mis un temps fou pour se décanter. Ouais. Et au final, bah, ils ont eu quoi les Suns? Bon, leur but, c'était pas de choper un gros joueur, c'était aussi d'enlever du cap. Mais ils ont chopé Monroe et un pic, quoi. Donc, il faut savoir. Et en plus, il faut matcher les salaires parce que personne n'a du cap pour absorber Butler. Donc il faut libérer d'office des contrats. Ils essaient de virer Gorgui Dieng par la même occasion. Donc ça complique certainement encore le truc. Et ce que j'ai lu aussi, excuse-moi, je t'interromps, c'est que en plus Minnesota et Miami, quand ils parlaient, ils étaient intéressés par trouver une troisième équipe où ils auraient pu lâcher Dion Waiters. En fait, le truc, c'est que Minnesota aimerait aussi lâcher Gorgui Dieng dans le trade. Et là, ça devient encore plus compliqué, quoi. Ouais, après... Parce que s'ils ont du mal à lâcher juste leur franchise player, si en plus ils veulent y ajouter un contrat pourri, ça devient tendu. Donc il va falloir qu'ils soient de moins en moins exigeants, et ça passe par virer Thibodeau, quoi. Ouais, et puis tes équipes poubelles, t'en as plus tant que ça non plus. Hein. Bah, c'est clair qu'elles sont plus connes. Il y avait les Suns, il y avait les Nets, Kings. Maintenant c'est fini. Les Kings, même les Kings, ils le feront plus parce que ils sont. Ils sont pas si cons, ils sont un peu cons, mais. Les Kings, il y a encore moyen. Hein. Il y a encore moyen, c'est ça. Mais par contre, les Suns, c'est Nets qui étaient les pires poubelles de la ligue. Ah ouais. Les Suns, c'est mort, il y a une hype. Les Nets, Sean Marks, il a fait un travail incroyable pour remonter la franchise. Mm-hmm. Il sera plus à voir maintenant. Mais c'est ça qui est terrible, c'est tu vois, tu as des équipes comme les Kings. Et c'est affreux, je suis désolé pour les fans des Kings en France, mais tu vois, t'as, quand je suis pas désolé, possibilité vous avez choisi. Non, mais t'as envie de dire aujourd'hui, mais qui veut aller aux Kings, quoi? Qui a envie d'aller? Qui va se dire, il y a un projet là-bas? Pas Luka Doncic, en tout cas. A priori, non. Oui, non, pas Luka Doncic, heureusement. Non, mais c'est vrai que c'est une situation qui est assez particulière, parce qu'il y a des gens qui comparent ça avec le cas Kawhi Leonard, mais Kawhi Leonard, il n'y avait pas un coach qui était en. C'est ça. Qui avait une double casquette et qui était en opposition avec le trade, avec un. De l'autre côté, c'est un ça. Proprio qui a certainement promis à Towns de dire bah écoute, signe et le mec sera plus jamais là, quoi. Ce qui a retardé les Spurs, c'est juste qu'en fait, ils voulaient juste trouver la meilleure contrepartie possible. Oui, voilà, après, ça y a. Oui, ils avaient tout leur temps. Il y a des gens qui disent que l'attitude des Wolves est normale parce qu'ils sont juste en train de négocier. Mais. Ils ont déjà négocié avec beaucoup d'équipes et très certainement avec Miami aussi. C'est juste ce qui est ridicule là ici, c'est de vouloir gratter un truc en dernier recours quand t'as déjà fait les dossiers médicaux, etc. Ça veut dire que t'as déjà ton gros accord de base. Donc en gros, ce que t'as essayé de regratter derrière, c'était forcément un truc à la con. Mais tu l'as dit, c'est comme si on aurait dit du My Gym. T'essaies de choper un petit second tour derrière les fagots, et ben ça passe pas, quoi. C'est un peu comme le trade de Kyrie et Isaiah Thomas l'année passée. Pour ceux qui se souviennent, vous aviez le trade qui s'était fait, puis il y avait le dossier médical qui était tombé. Et là, en vertu du dossier médical, les Cavs avaient gratté un tour de draft. Du 8, je crois. Voilà. Du 8. En mode vite fait, parce que là, il y avait une raison. C'est-à-dire que, et en plus, maintenant, ça s'est avéré encore plus vrai quand on voit la situation d'Isaiah Thomas tout au long de la saison. C'est de se dire, ok, t'es mignon, mais derrière, ton dossier médical, voilà quoi. Là, ici, on sait que Butler n'est pas blessé. Il y a rien de grave qui est ressorti, on va dire, dans la presse, etc. Donc, on dirait vraiment le coup de dire finalement, on va prendre un tour de draft 2022, là. Avec les mecs, on dit ouais, quoi, c'est bon, déjà, tu veux nous refiler ton gars qui veut se barrer. Faut voir ce qu'il voulait faire avec Gorgui Dieng, s'il voulait pas le refiler dans le même truc. Donc. Non, dossier compliqué. Et moi, personnellement, c'est ou bien. Enfin, bien ils virent Thibodeau. Du coup, ça peut s'accélérer. Ou bien ils reviennent sur leur proposition initiale avec Miami, mais maintenant Miami va probablement les envoyer chier juste pour le plaisir aussi. Bah, exactement, pas travailler, il va se faire plaisir. Ouais. Et du coup, il va peut-être même dire finalement, t'as voulu m'arnaquer avec ton tour de draft. Des maillots, en fait, je le reprends. Oui, c'est ça. C'est un truc du genre, vraiment. Bon, ben finalement, mon Adebayo, je vais le garder avec moi, tu vois. Et du coup, ça risque d'être vraiment, vraiment compliqué. Surtout qu'il y a plein d'équipes qui ont complètement lâché l'affaire en voyant que le Heat était apparemment en pôle. Donc là, maintenant que tes matchs de pré-saison ont commencé, t'as peut-être des gars que t'envisageais de lâcher il y a 3 semaines, que tu te dis maintenant, hein, ben finalement, il a perdu 10 kilos cet été, je vais peut-être le garder, le mec. Tu vois. Donc, ah, bien sûr. Situation compliquée. Est-ce que Thibodeau est inquiété? Ah, moi, je sais pas vraiment. Alors, franchement, ça dans les derniers jours. Je serais le proprio des Wolves, je te le dis, il serait fortement inquiété, mais depuis un petit temps. Parce que tu n'es pas le proprio des Wolves. Mais en fait, lui, on est assez sûr que c'est le dernier Butler, en fait. Donc, non, mais le truc, c'est que, tu vois, le gars est président des opérations basket et coach derrière, donc. Forcément, c'est ta responsabilité en tant que proprio de dire à un moment, moi je veux bien que tu es contre mes idées et tout, mais ça reste moi qui allonge le blé, tu vois. Donc si je te dis de te débarrasser de Butler, tu te débarrasses de Butler, c'est tout. Tu restes mon employé. Mm. Tu vois. Alors, ça va voir un petit peu comment ça va se passer, mais tout ça me semble très très bizarre. Ou alors il y a un lapin qui sort du chapeau à un moment et Butler revient dans l'effectif et ils sont champions. Non, je rigole, mais. Je sais vraiment pas comment ça va se terminer cette histoire, mais ça sent pas bon en tout cas pour. Il y a forcément quelqu'un qui va morfler, je ne sais pas qui, mais si je dois mettre 5 €, je mise sur Thibodeau qui va manger. Bah c'est le plus probable. Ouais. On verra bien. En tout cas, c'était ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le petit podcast vous a plu. Je vais remercier Émile et Tancrède d'avoir animé ce podcast avec leurs bons avis et leurs bons mots avec moi. Merci beaucoup les petits gars. Merci à toi de m'avoir accueilli. Est-ce que je peux faire une petite annonce quand même? Alors si c'est pour vendre des trucs, c'est non. Des cartes. Alors, je vends des cartes Panini Basket. Putain, c'est vrai. Ils vendent des cartes. Oui, non, là c'est vous qui faites mon annonce. Hein. Non. Ouais. Non, non, c'est juste pour dire que je suis très heureux d'aller à New York en février. Et je ne manquerai pas de prendre quelques images et de vous ramener tout ça pour QI Basket. Voilà. Fais-nous un roadbook. Comment un certain stuff l'a fait. Pas un roadbook, hein, un roadbook. Hein. Voilà, c'est sur ce jeu de mots de merde que nous allons terminer le podcast. On peut pas partir là-dessus, c'est pas possible. Si, si, on va partir là-dessus. Non, pas pour la rentrée. Il faut partir. Non, mais là, il faut partir. Non, mais on vous assure, revenez, les autres podcasts seront mieux. Ah, ouais, c'est possible. C'est promis. Non, juste vous dire qu'on va reprendre donc les podcasts en douceur cette saison. On n'a pas encore fixé vraiment d'objectifs en termes de parution, mais on espère pouvoir vous proposer quelque chose de régulier avec plus de gens la prochaine fois, vous inquiétez pas. On va reprendre aussi des lives commentés sur la chaîne YouTube, donc comme on avait fait pendant les playoffs, c'est-à-dire on se met avec un petit écran où vous voyez ma tronche. Je peux essayer de trouver un système où je peux vous afficher le score, par exemple, en temps réel, etc. Enfin bref. Tout sauf diffuser le match, évidemment, on n'est pas suicidaire non plus. Toujours avec quelqu'un pour co-commenter avec moi ce qui se passe sur le match en direct. Le petit quiz de la mi-temps, bien sûr. Le petit quiz de la mi-temps, toujours. Et alors, pourquoi pas réinviter des comptes de franchise français, enfin FR, qui sont intéressés. Donc, on vous lance une invitation à tous les comptes qui nous écoutent et qui nous suivent. Si vous avez l'envie un jour de venir faire l'expérience en live avec nous, de commenter soit l'actualité de votre équipe à travers un podcast ou bien simplement commenter le match, etc. avec nous, n'hésitez pas à nous en faire part. Et comme ça, on pourra établir un genre de petit calendrier et on vous accueillera avec grand plaisir. C'était hyper cool l'année passée en playoff de le faire, donc on va faire ça aussi pendant la saison régulière, peut-être plus axé sur les matchs du dimanche parce que les horaires sont un peu plus cool pour tout le monde, c'est ce qu'on a dans les cartons là tout de suite. Il y a d'autres choses qui sont en préparation pour les dans les coulisses, évidemment. On a plusieurs gros articles en cours d'écriture et toujours des petites contributions à gauche à droite. Bref, une nouvelle saison pour QI Basket qui commence, pleine de motivation, hein. On a eu on va pas en parler trop, mais on a eu des bonnes petites nouvelles il n'y a pas très longtemps, donc on vous en fera part en temps voulu. Hashtag teasing. Hashtag pognon. On va se faire un max de thunes. Hashtag pognon pour envoyer Tancrède au Madison Square Garden le plus souvent possible pour qu'il nous fasse des roadbooks. Ah, c'est payé, ça c'est payé, vous inquiétez pas. C'est payé, c'est fait, c'est réglé. Ça arrange Jérémy. Voilà, donc. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook. Je pense qu'on a un Instagram, si je dis pas de bêtises, mais comme c'est pas moi qui m'occupe. Voilà. Sur la chaîne YouTube aussi, sur les flux, pour y avoir les podcasts. Merci beaucoup, à bientôt et portez-vous bien. Ciao. Salut. Bonne soirée.